Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton. Question 36. Du Saint-Esprit. Le mot Saint-Esprit désigne une personne divine, qui procède du Père et du Fils, c'est-à-dire du Père par le Fils. Le Père et le Fils sont un seul principe. 1. Le mot Saint-Esprit est-il le nom propre d'une personne divine ? Saint Jean nous dit, il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe, et l'Esprit Saint. 1 Jean 5, 7. Or, ainsi que le remarque Saint Augustin, quand nous demandons, qu'est-ce que sont ces trois, on répond, trois personnes. Donc Esprit Saint est le nom propre d'une personne divine. Deux raisons de convenance viennent s'offrir en faveur de cette dénomination, qui, du reste, n'est donnée à la troisième personne qu'à défaut d'un autre nom exprimant mieux sa notion personnelle. C'est d'abord la communauté du mot. Car, comme le Saint-Esprit appartient au Père et au Fils, il convient qu'ils prennent pour nom propre ce qu'ils ont de commun, la spiritualité et la sainteté. L'autre raison de convenance se tire de la signification même du mot Esprit Saint. Le substantif Esprit, Spiritus, qui, en latin, est employé pour désigner le souffle et le vent, emporte l'idée d'impulsion, de mouvement, et le propre de l'amour est en effet de pousser, d'entraîner la volonté vers l'objet aimé. Le mot saint, de son côté, s'applique à toutes les choses qui ont Dieu pour but. Or, la troisième personne de la Sainte Trinité procède de l'amour par lequel Dieu s'aime. Ces aperçus suffisent pour justifier le nom Esprit Saint appliqué à la personne qui résulte de la procession d'amour. 2. Le Saint-Esprit procède-t-il du Fils ? Le symbole de Saint Athénas porte, l'Esprit Saint n'est ni fait, ni créé, ni engendré par le Père et le Fils, mais il en procède. Il faut donc enseigner que le Saint-Esprit procède du Fils. Et en effet, comment pourrions-nous sans cela distinguer personnellement l'un de l'autre? Les personnes, dans la Sainte Trinité, se distinguent, nous l'avons dit, par l'opposition de leurs relations, et non par les attributs absolus qui tiennent à l'essence divine. Si donc nous ne voulons pas tomber dans l'hérésie en détruisant la Trinité, nous devons établir entre le Fils et le Saint-Esprit des relations opposées, et par conséquent des relations d'origine, puisque l'origine seule produit en Dieu des relations opposées. Et comme l'origine suppose deux choses, un principe et un terme qui en découlent, nous sommes forcés de dire, ou que le Fils procède du Saint-Esprit, ce que personne n'admet, ou que le Saint-Esprit procède du Fils, et c'est là ce que nous reconnaissons. Notre foi est d'ailleurs très conforme à ce que réclame la nature de l'une et de l'autre procession, car le Fils, selon ce qui a été dit, procède de l'intelligence, comme Verbe, et le Saint-Esprit, de la volonté, comme amour. Or, l'amour procède nécessairement du Verbe, puisque nous n'aimons un objet qu'autant que notre esprit en a la conception. Ainsi nous pouvons conclure que le Saint-Esprit procède du Fils. Note. Les Grecs admettent que la procession du Saint-Esprit implique certains rapports avec le Fils. Ils accordent que le Saint-Esprit est l'Esprit du Fils et qu'il dérive du Père par le Fils, mais ils nient qu'il en procède. Est-ce mauvaise foi ou ignorance? Ils ne veulent pas considérer que, parmi tous les termes qui désignent l'origine, celui de procession offre le sens le plus large en ce qu'il s'applique à toute espèce de descendance, à toute espèce d'émanation. La ligne, par exemple, procède du point, le rayon, du soleil, le ruisseau, de la source. On pourrait donc prouver, d'après les aveux même des Grecs, que le Saint-Esprit procède du Fils. Si l'Écriture sainte n'enseigne pas ce dogme en propre terme, elle l'enseigne quant au sens, notamment dans le passage où le Fils dit du Saint-Esprit, « Il me glorifiera, parce qu'il recevra de ce qui est à moi. » Jean 16, 14. Au temps des premiers conciles, l'erreur n'ayant point encore nié que le Saint-Esprit procède du Fils, rien n'obligeait de définir ce dogme. Mais quand l'heure fut arrivée, le souverain pontife, à la tête d'un concile qu'il avait convoqué en Occident, proclama la vérité qui nous occupe. Note. La nature divine, restant numériquement une, se communique par le Père au Fils et par le Père et le Fils au Saint-Esprit. Saint Cyrille écrivant à Nestorius lui disait que le Saint-Esprit procède du Fils comme du Père. Le Concile d'Éphèse, en l'an 431, approuva la lettre de Saint Cyrille, et, depuis, tous les conciles écuméniques ont professé le même dogme. Voir, exposition des dogmes de la religion catholique par le cardinal Gousset, archevêque de Reims. Le Coffre, 1861, numéro 319. Fin de la note. 3. Le Saint-Esprit procède-t-il du Père par le Fils? Sur ce point, Saint Hilaire s'est exprimé avec la plus grande clarté dans la prière suivante. Ô mon Dieu, conservez en moi la pureté de la foi, afin qu'il me soit donné de vous posséder, vous qui êtes mon Père, d'adorer avec vous votre Fils, d'être digne de l'Esprit Saint, à qui procède de vous par votre Fils unique. Le Fils ayant reçu du Père ce qui fait que le Saint-Esprit procède de lui, on peut dire que le Père produit le Saint-Esprit par le Fils, ou, en d'autres termes, que l'Esprit Saint procède du Père par le Fils. Note. La vertu qui produit l'Esprit Saint est numériquement la même dans le Père et dans le Fils, elle est unique. Aussi l'Esprit Saint procède-t-il également du Père et du Fils. Si l'on dit quelquefois qu'il procède principalement du Père, c'est parce que le Fils reçoit du Père la vertu de le produire. Fin de la note. 4. Le Père et le Fils sont-ils un seul principe du Saint-Esprit? Le Père et le Fils, dit Saint Augustin, sont un seul principe du Saint-Esprit, et non pas deux principes. Le Père et le Fils sont un dans toutes les choses où ils ne sont pas distingués par une opposition relative. Note. On a vu que l'opposition relative est précisément ce qui constitue les personnes divines. Là où il n'y a pas d'opposition de ce genre, on ne trouve plus que la nature divine. Fin de la note. Or, dans la production du Saint-Esprit, aucune opposition relative ne les distingue. Ils sont, conséquemment, un seul principe du Saint-Esprit, et ce principe, c'est la vertu spirative, qui est unique en eux, comme la nature divine elle-même. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.